Il s'est retrouvé seul au monde. Il sent mal, il voit le pire. Il décide de vivre dans l'ombre. La galère, il veut la fuir. Lui son passé le hante, il a perdu des proches. Le terre-terre il fréquente, et vend de liasses dans les poches. Il n'a pas peur de la mort. Pourtant elle lui colle à la peau, tu le raisonnes, il a ses mots. Il sait plus voir les vrais les faux, c'est ça son cœur lui fait défaut. Il vit la nuit, dort le jour, s'endort les larmes sur les joues. Il a plus d'espoir, il essaie rien qu'il échoue. Drôle de vie qu'il mène, il fait des choses qu'il ne veut pas faire. Mais c'est ça la vie. Il s'est retrouvé dans les affaires, alors que les gens le voyaient plus bactère. Il subit mais il en a pas l'air. Dans l'illégal il trouve son salaire. Devant les gens il ne fait pas le fier. Il dit aux petits ça faut pas le faire. Faut pas le faire. Il a perdu son temps, ses souvenirs d'enfant. Il sera jamais plus content. Il a choisi son camp. Les sentiments c'est comme le vent, tu le vois pas mais tu le sens. Quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, tu y crois pas mais tu te mens. Il a perdu son temps, ses souvenirs d'enfant. Il sera jamais plus content. Il a choisi son camp. Les sentiments c'est comme le vent, tu le vois pas mais tu le sens. Quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, tu y crois pas mais tu te mens. Il trouve pas l'amour, il compte sur peu de gens. L'illégal c'est la prison, pour s'en sortir y'a peu de chance. Il meurt pour sa mère, il a mal pour ses frères. Cœur dur mais fragile, pas du genre à se laisser faire. Il dit souvent que s'il a des sous, il met bien tout le monde. Il dit souvent qu'il fait gaffe aux gens car beaucoup mentent. Il trouve pas l'amour, il compte sur peu de gens. L'illégal c'est la prison, pour s'en sortir y'a peu de chance. Il meurt pour sa mère, il a mal pour ses frères. Cœur dur mais fragile, pas du genre à se laisser faire. Il dit souvent que s'il a des sous, il met bien tout le monde. Il dit souvent qu'il fait gaffe aux gens car beaucoup mentent. Il a perdu son temps, ses souvenirs d'enfant. Il sera jamais plus content. Il a choisi son camp. Les sentiments c'est comme le vent, tu le vois pas mais tu le sens. Quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, tu y crois pas mais tu te mens. Il a perdu son temps, ses souvenirs d'enfant. Il sera jamais plus content. Il a choisi son camp. Les sentiments c'est comme le vent, tu le vois pas mais tu le sens. Quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, tu y crois pas mais tu te mens. Il sait ce qu'il fait, te casse. Si tu t'embrouilles, viens, il va pas dire je me casse. Il compte plus les jours qui passent, tu sais. Il est trop fier pour dire qu'il t'aime, je sais. Il est trop brave, on le sait, mais faut pas le chercher. La prison l'a rendu méfiant, trop de larmes il a versé. Il se voit faible pourtant. Il a tout ce qu'il faut. Et j'en perds mes mots.